Gagnino. Eli ni belle, ni vigira. Eli cadeau gassure la mise en onde. Merci de rester fidèle à nos programmes. Voici le grand rendez-vous du journal de la soirée dont voici tout d'abord l'essentiel. Consili Nibigira, directeur général de la mutuelle de la fonction publique, vient d'être évincé à son poste et remplacé par Abel Gachati. Des nominations ont été également opérées au ministère de l'Enseignement supérieur selon le décret présidentiel 18 août 2018. Bientôt, la loi régissant la commission nationale indépendante chargée d'organiser les élections sera conforme à la constitution actuelle avec la révision de cette loi. Les membres de la CENI vont passer de 5 à 7. Vous écouterez le porte-parole du gouvernement Philippe Nzobonariba qui l'annonce après le conseil des ministres de ce vendredi. Le personnel du ministère de l'Environnement, de l'Élevage, affecté à Gitega, mais plus tard limogé suite à la politique de Chanwa Zéro, revendique des indemnités de licenciement. Nous appellerons Gérard Nibigira depuis Gitega dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir, je vous le disais en titre, Abel Gachati, président du parti Prona, vient d'être nommé directeur général de la mutuelle de la fonction publique. Dans un décret présidentiel du 18 août 2018, M. Gachati remplace et concilie Nibigira à la tête de cette entreprise publique depuis le 11 qui... à la tête de cette entreprise publique depuis le 11 septembre 2015. D'autres nominations sont celles du docteur Frédéric Mangirinama et Théophile Ndaroufatiye, respectivement secrétaire permanent et assistant du ministre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des postes jusque-là vacants depuis le récent remaniement ministériel. Et le projet de loi portant réorganisation des cantines scolaires a été analysé par le Conseil des ministres ce vendredi. Le communiqué sanctionnant le dit conseil élu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement indique que l'objet de ce projet est de nourrir les écoliers à la base des produits locaux. Philippe Nzobonariba dit que ce projet va permettre l'achèvement scolaire et établir un marché stable pour les denrées alimentaires locales. On l'écoute. Le but de cette politique est de définir un ensemble de principes pour la mise en œuvre d'un programme national d'alimentation scolaire endogène. Elle vise notamment à sensibiliser et à augmenter la consommation d'aliments adéquats, nutritifs et disponibles localement afin de réduire l'insécurité alimentaire et la malnutrition chez les enfants en âge scolaire et préscolaire et ainsi encourager l'inscription et la fréquentation scolaire des enfants. Deuxièmement, il s'agit d'améliorer l'achèvement scolaire et l'apprentissage équitable des écoliers. Et troisièmement, établir un marché stable pour les denrées alimentaires locales produites par des petits agriculteurs et leurs coopératives. Et quatrièmement, promouvoir et appuyer techniquement le développement de l'agriculture et de la communauté locale. La mise en œuvre de cette politique s'étendra sur une durée de 15 ans et son financement proviendra du trésor public, des fonds spéciaux, des recettes des collectivités locales, des parents d'élèves et des donateurs divers. Après analyse du dossier, le Conseil a trouvé que le document méritait d'être retravaillé en profondeur, surtout que certaines données sur lesquelles se base la politique ne sont pas du tout fiables. Une équipe a été mise en place pour le retravailler et le ramener dans un délai d'un mois. Et la page politique et la loi régissant la Commission nationale électorale indépendante sera révisée pour se conformer à la Constitution. C'est ce qui ressort du communiqué sanctionnant le Conseil des ministres tenu ce vendredi qui a été élu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Philippe Nzobonariba va faire savoir que la commission sera désormais composée de 7 membres au lieu de 5, comme le stipule le projet de loi qui a été analysé et adopté par le Conseil des ministres. Encore une fois, Philippe Nzobonariba. La constitution actuelle, en son article 91, indique que la future commission électorale nationale indépendante sera composée de 7 membres, contrairement à la commission existante qui est composée de 5 membres. Cela impose donc la retouche du décret qui organise la CENI en ce qui concerne la restructuration des commissions dont le nombre passe de 3 à 5. Et par ailleurs, la majorité requise pour approuver les membres de la CENI par les deux chambres du Parlement est passée de 3 quarts à la majorité absolue, telle que le prévoit la Constitution nouvellement promulguée. Enfin, tenant compte des leçons tirées des élections précédentes, certaines dispositions ont été retouchées, notamment en ce qui concerne le nombre de membres des commissions électorales provinciales indépendantes, les CEPI, et des commissions électorales communales indépendantes, CC, pour les adapter aux réalités observées sur le terrain. Le projet a été adopté. Toujours la page politique, l'ouverture de l'espace politique et le respect de tout citoyen dans son appartenance politique sont des conditions indispensables pour le bon déroulement des prochaines élections au Burundi. Apollinaire Boutoyi, secrétaire national chargé de la discipline du suivi des activités du parti Hanak, l'a déclaré ce samedi à Lumonge quand il rencontrait les membres de ce parti en province de Lumonge. L'écoute, il est au micro de Jean-Pierre Misako. Nous demandons à ce que l'espace politique soit ouvert et puis nous demandons que tout citoyen soit libre au niveau du lancement de ses idées et qu'il ne soit pas poursuivi à cause peut-être de l'idée, surtout les bonnes idées. Aux autres partenaires, nous demandons qu'ils comprennent que la compétition politique, c'est une compétition comme toutes les autres compétitions. Et donc, celui avec qui vous êtes en compétition, ce n'est pas un ennemi. Au contraire, ça devrait faire une complémentarité entre les idées pour que l'on puisse faire avancer le pays et développer la population européenne. Les chauffeurs des différents services du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage qui étaient affectés à Gitega et Limoges suite à l'exécution de la politique Changwa Zéro en 2014 réclament leurs indemnités de limogeage. C'est au moment où, dans ce ministère, la question semble avoir été ignorée. Le porte-parole du dit ministère promet de se renseigner auprès du département du travail. Correspondance de Gérard Nivikir. Au total, ils sont au nombre de 12. Ce sont les anciens chauffeurs des différents services de l'ex-ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui œuvraient à Gitega. Ils travaillaient au département de la fertilisation et de la protection des sols, à la direction de la défense des végétaux et à la direction générale de l'élevage. Nous avons été suspendus avec le projet du Charroi Zéro, mais jusqu'à présent, nous sommes dans la désolation totale. On ne nous a pas indemnisés. Nous sommes rentrés comme si nous ne sommes pas les employés de la fonction publique. Dans le respect des règles, une fois suspendus à la fonction publique, sans motif valable, l'employé doit être indemnisé. Nous attendons depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. De son côté, le directeur général de l'agriculture, Jean-Claude Mbarushimana, déclare qu'il ignore ce dossier du fait qu'il n'était pas dans son poste lors de l'exécution du programme de Changwa Zéro. Madame Emerance Nilera, porte-parole de l'actuel ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, s'entendre qu'elle va plutôt s'informer au sein du service des ressources humaines de ce ministère. Depuis Gitega, Jérani Vigila pour la radio Isanganiro. Quittons Gitega pour aller à Muyinga. Les administratifs à Muyinga invitent les Burundais voulant traverser la frontière vers les pays voisins à chercher au préalable des documents de voyage. C'est au moment où, sur la colline Rusengo, commune de Muyinga, les familles recherchent 5 jeunes hommes partis en Tanzanie où ils sont détenus depuis le mois dernier. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana. Remeji Riazimana et son petit frère, Eric Ndiokugayo, font partie d'un groupe de 5 jeunes recherchés par les familles sur la colline Rusengo, commune Muyinga. Godelieve Mukeshimana, mère de Remeji et Eric, affirme que ses enfants sont partis en Tanzanie rechercher l'emploi il n'y a pas des mois. À peine arrivés en Tanzanie, ils ont été arrêtés, puis conduits à la prison de Geita, à en croire les propos de cette mère, citant un messager venu leur annoncer la nouvelle. Les familles sont sans nouvelles des 5. Elles demandent l'intercession de l'administration pour négocier le retour au pays de ces émigrés. Kabondo Rachid, chef de colline Rusengo, estime que c'est une tâche difficile. Les 5 sont partis sans document de voyage, sans aviser l'autorité locale. Ce n'est pas la première fois que des émigrés illégaux soient arrêtés. Un autre groupe de 3 hommes originaires de la même colline de Rusengo aurait été condamné à 15 ans de prison en Tanzanie. Lambert Minani, conseiller de l'administrateur de la commune Muyinga en matière sociale, invite les administrés à se munir des documents de voyage avant d'émigrer. Les laissez-passer se sont délivrés au chef lié de la province Muyinga. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Du nord-est du pays, revenons au sud du pays, à Lumonge, l'interdiction d'accoster au Congo voisin dans les conditions normales pour les pêcheurs opérant au Burundi et la saisie de tous les pirogues clandestines. Telles sont certaines des mesures arrêtées ce samedi à Gakora lors d'une réunion contre la fraude en province de Lumonge. Pour y parvenir, le gouverneur de Lomongué qui présidait cette réunion appelle à la synergie de tous les intervenants de Lomongué, Jean-Pierre Misako. Selon certains participants dans cette réunion, certains pêcheurs opérant au Burundi embarquent avec des marchandises fraudées quand ils rentrent dans le lac Tanganyika, prétextant qu'ils vont à la pêche. Ils débarquent ensuite sur les plages de pêche de la République démocratique du Congo, d'où ils vont repartir avec également des marchandises fraudées qu'ils vont décharger sur les plages burundaises tard la nuit. Désormais, il a été convenu dans cette réunion de tous les intervenants dans le secteur de transport que, sauf dans des cas des aléas climatiques qui auront été rapportés à tout le monde, tout pêcheur burundais dont le bateau de pêche accostera sur les plages congolaises sera puni comme fraudeur de son retour à Lomongué. Par ailleurs, tout bateau de pêche ou pirogue qui n'accoste pas sur les plages connues sera saisi pour être détruit. Pour atteindre de bons résultats, les organes étatiques opérant notamment dans le port commercial de Lomongué doivent opérer en synergie sans pour autant se gêner ou encore moins perturber les activités au poste de surveillance contre l'Ebola dans ce port, sous peine de le voir fermé, selon le gouverneur de Lomongué. Jean-Pierre Misago, depuis Gakora, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, venant à Bujumbura pour parler de sport. L'équipe nationale féminine de volleyball, Intamba Murugamba, s'est inclinée 3-7-0 devant la sélection ougandaise. Ce match s'inscrit dans le cadre du tournoi de l'EAC. D'autres matchs dans différentes disciplines ont été également joués. Les détails avec Evariste Nzikobanyang. La sélection ougandaise de volleyball a remporté ce dimanche le premier match contre la sélection burundaise sur le score de 3-7-0. Le match a débuté par une nette domination ougandaise. Le premier set ayant été marqué sur le score de 25 points contre 10. Le deuxième a été marqué sur le score de 25 contre 13. Et le troisième set sur 25 contre 9. Parmi d'autres jeux qui ont eu lieu ce dimanche, la première journée de ce tournoi de l'EAC figure le karaté. Les pays représentés dans cette discipline, il s'agit du Burundi, du Kenya et la République unie de Tanzanie. Les karatékas burundais, dans leurs démonstrations individuelles, ont montré qu'ils sont premiers dans cette communauté de l'Afrique de l'Est. Dans le kata individuel, c'est Frank Niyubawe, le karatéka burundais, qui a été premier au cours de cette compétition. Il se dit satisfait. Tout d'abord, je suis vraiment très content d'être le premier au niveau de la zone, au niveau donc de l'EAC. C'est vraiment quelque chose de très bien qui me montre que donc, mes entraînements ont donné des bons fruits dans cette compétition. Et je suis vraiment très content d'être le premier, mais je ne vais pas m'arrêter par là parce que après d'être le premier ici au niveau de l'EAC, il faut viser encore un peu plus loin au niveau africain. Et ça, vous savez, oui, nous, en tant que joueurs, on se prépare, mais les moyens pour y arriver, pour participer dans ces compétitions, je dirais, internationales au niveau africain, et là, on doit faire recours au ministère de la Jeunesse et Sport, au pays, pour qu'ils puissent nous aider. Oui. Le kata collectif a été aussi remporté par des karatékas burundais devant les Kenyans et les Tanzaniens. Ce lundi, c'est le tour du football, dont les matchs seront discutés au stade Ngoma de Gitega. Ce sera contre les équipes nationales féminines de football uniquement, celles des garçons ayant été radiées de ce tournoi suite aux discussions basées sur l'âge des joueurs. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Vous l'avez déjà entendu à travers cet indicatif, pour que les fruits puissent jouer pleinement leur rôle dans l'organisme humain, ils ne doivent pas être consommés à n'importe quel moment. Pour Alexis Harimeshi, expert en International Public Health Management, il faut consommer les fruits juste avant le repas et non l'inverse. Mais aussi, il ne faut pas se contenter des fruits seulement comme petit déjeuner du fait qu'ils ne contiennent pas les protéines dont l'organisme a besoin tout au long de la journée. Selon toujours Alexis Harimeshi, les fruits ne devraient pas être consommés la nuit. Plus de détails, c'est dans cette chronique nutrition de Gertrude Mawenayo. Comme on vous l'a parlé dans notre chronique passée, les fruits jouent un rôle essentiel pour le bon fonctionnement de notre organisme. Cependant, Alexis Harimeshi, expert en International Public Health Management, explique que pour bénéficier de tous les bienfaits des fruits, il ne faut pas les consommer à n'importe quel moment. Il dit que pendant le petit déjeuner, les fruits sont nécessaires mais pas suffisants. Il est essentiellement recommandable de consommer les fruits le matin, tout comme il est préférable de consommer à midi ou après-midi, sauf le soir. Mais il n'est pas suffisant de consommer seulement le fruit, parce que ce n'est pas beaucoup de fruits qui fournissent des protéines. Il est vrai que l'avocat, la noix de coco, les noix de cajou, c'est-à-dire les fruits secs, fournissent des protéines, bien qu'ils ne soient pas complètes, fournissent des graisses, mais les autres fruits ne contiennent pas de protéines ni de graisses. Alors qu'il faut que l'alimentation du matin soit riche en protéines, en lipides, c'est-à-dire en graisses et en glucides. Donc, lorsque tu consommes des fruits le matin, c'est recommandable, c'est vrai. Mais il faut que la pâte de maïs, la pâte de blé grillé, les haricots secs, le petit pois sec, le crocase, la banane cuite, il faut que tous ces aliments qui fournissent plus de l'énergie ne soient pas négligés aux dépens des fruits. Cet expert en nutrition explique également que les fruits jouent pleinement leur rôle une fois consommés juste avant le repas. Le moment propice pour consommer les fruits, c'est avant ou juste avant le repas. Pourquoi ? Parce que les enzymes des fruits, lorsqu'ils sont en contact avec la muqueuse de l'estomac, il stimule la libération des enzymes digestives, dont la pepsine, la trypsine, ou bien de l'acide chlorhydrique par les glandes pariétales de l'estomac, qui favorisent la digestion des protéines, la digestion des lipides, c'est-à-dire les graisses, et l'absorption intestinale des nutriments contenus dans les aliments. Pour le cas de ceux qui préfèrent prendre les fruits comme dessert, c'est-à-dire après le repas, Alexis Harimenshi précise que ça fait aussi du bien, mais de façon limitée. Lorsque tu consommes les fruits après le repas, ça nous donne du bien aussi, mais l'absorption intestinale des nutriments favorisés par les fruits devient moindre. Aussi, le pouvoir de la digestion des fruits est diminué lorsqu'ils sont consommés après les aliments cuits. Il faut donc qu'ils viennent juste avant le repas. Cet expert conseille qu'il faut vérifier que les fruits ont été cueillis tout en état mûr et qu'ils n'ont pas été exposés aux rayons solaires ou à la lumière d'une lampe, parce que ça peut entraîner la perte de certaines de leurs compositions en nutriments. Merci Gertrude Mahouna, et c'est par ici qu'on va mettre fin à cette édition. Merci à vous tous qui nous avez prêté oreille attentive. Mes remerciements s'adressent également à Eric Adogo pour la mise en onde. Et Linibel Nibigira qui vous l'a présenté, je vous souhaite de passer une excellente soirée dominicale. Au revoir.